Allez, FBI, full praise, full worship. Ediba Nemo, Sibé Memo, Gloire Lokao, Prince, Héritier, Jerry Olivis, Karim Nkadi, Tete Kumbe, Fatou, Beloti, Idimteya Banamina. Jésus est mon berger. L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans le vert pâturage. Jésus est mon berger. Il restaure nos âmes, il nous conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Bien-aimé. Jésus est mon berger. Quand nous marcherons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car sa houlette et son bâton nous rassurent. Jésus est mon berger. Il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Il conduit nos têtes et nos coupes des bords. Jésus est mon berger. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Et nous habiterons la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Avec conviction, je l'affirme. Mon côté na lisolo ya bato, akokai na nkolo Yesu, na likolo na se, pe na se ya mabele. Yemen. Hey, Yesu Christ, wiza wa kutula. Yemanele, wiza wa kutula. Kadi mono, waka na mangina. Kadi mono, waka na mangina. Besoin de la délivrance, VIP 15, entrons dans la profondeur. Jésus Christ, oui, ça va pour tout là. Y'a Jésus, oui, ça va pour tout là. T'as dit mon nom, waka ma manina. T'as dit mon nom, waka ma manina. T'as dit mon nom, waka ma manina. Et voilà, après le 7 et le 14, on ne se lasse pas. On le poursuivra jusqu'à ce qu'il fouille loin de nous. 1, 2, 3, Yesu Salakana va bien. Ça nous va bien. Salakana va bien. Yesu Salakana va bien. Salakana va bien. Yesu Salakana va bien. Mon roi, Yesu, on salue le dit qu'il y a un roi. Yesu Salakana va bien. Salakana va bien. C'est la main de l'Éternel. Namoni bolingo na yo zami bolingo na yo. L'Éternel désire ton bonheur. Namoni bolamu na yo kolo. Namoni bolamu na yo. Ton plaisir dans ton bonheur. Namoni bolamu na yo. Yesu salaka ma bania. Tanga bolamu na yo. Salaka ma bania. Yesu salaka ma bania. Bolamu ya moto na nzambe tatola. Wantashi bolamu ya. Kasima bena ye. Bonde na batina na yo. Didi Ilunga. Dans Job 5, 24, il dit: tu jouiras du bonheur sous ta tente. Dans Job 8, 6, il dit: Dieu rendra le bonheur à ta demeure. Ah, et tu reconnaîtras la main de l'Éternel. Ah. Je continuerai toujours à proclamer le bienfait de mon Dieu. Très bien. Somoda Sokolo José, Issa bien sainté. Yesu commando, Yesu. Éternel est bon. Yesu commando, Yesu. Il est digne de louange. Yesu commando, Yesu. Iso anana zela yanzambe. Rejouissons-nous toujours dans le Seigneur. Rejouissons-nous. Yesu commando, Yesu. David a dansé jusqu'à scandaliser sa femme, un roi. chrétiens pour ne pas danser pour la gloire de ton Dieu? Et pourquoi le pasteur, les hommes de Dieu ne se libèrent pas pour danser comme David? Allez, on y va tous, allez, on va danser, danse. Rassasie devient ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Mais autant les cieux est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. À l'ouest des productions, il ressuscite. Blaise Manzam, Pompidé, Casarema, PZ Production, Papi Zola, Mami Almeida. Jésus est mon berger. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous nos transgressions. Mon frère, nos chers baissés. Jésus est mon berger. L'Éternel est bon. Sa miséricorde dira toujours. Jésus est mon berger. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Jésus car il sait. Berger. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Jésus est mon berger. Poussez vers l'Éternel les cris de joie pour tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage.